après jour, moi levé ce voile-là. Ça est révélé, qui c'est ou qui est fidèle. Ma joie, pas de pédir longtemps. Ça aussi, mais c'est ça ou bois qui t'es qu'à où couler l'amour était.